quand la pluie tombe, pour la casse couler, n'a pas collé pour ma poudre au miladan. Quand la pluie tombe, pour la casse couler, les enfants, café dormi à la belle étoile. Divan batte la pluie fanée, oh, quand c'est l'exo coulé à naturel, oh, quand c'est le père illumine le ciel. Divan batte la pluie fanée, divan batte la pluie fanée, oh, quand c'est l'exo coulé à naturel, oh, quand c'est le père illumine le ciel. L'amour guide ça, ça l'est naturel. L'amour guide ça, ça l'est naturel. L'amour guide ça, mon mazine, l'époque pour Noé. L'amour guide ça, mon mazine, travail bon Dieu. La pluie tombée, mon la casse coulée. N'a pas connu comment pour dormir là-dedans. Quand la pluie tombée, mon la casse coulée, les enfants, ça fait dormir à la belle étoile. La pluie tombée, mon la casse coulée, n'a pas collé comment pour dormir là-dedans. Quand la pluie tombée, mon la casse coulée, les enfants, ça fait dormir à la belle étoile. Pour dormir la belle étoile. Quand la pluie tombée, moi la casse coulée. N'a pas connu comment pour dormir.